1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, mes frères, nous vous prions donc, et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous de quelle manière, on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Car vous savez quel précepte, nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Parce que c'est ici la volonté de Dieu, savoir, votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication, afin que chacun de vous sache posséder son vaisseau en sanctification et en honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent point Dieu. Que personne ne foule son frère, ou ne fasse son profit au dommage de son frère en aucune affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit auparavant, et comme nous vous l'avons assuré. Car Dieu ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, ne rejette point un homme, mais Dieu, qui a aussi mis son Saint-Esprit en nous. Quant à la charité fraternelle, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, parce que vous-même vous êtes enseigné de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont par toute la Macédoine, mais, mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage, et de tâcher de vivre paisiblement, de faire vos propres affaires, et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux de dehors, et que vous n'ayez besoin de rien. Or, mes frères, je ne veux point que vous ignoriez ce qui regarde ceux qui dorment, afin que vous ne soyez point attristés, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons à la venue du Seigneur, ne préviendrons point ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation, et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous l'un l'autre par ces paroles.